بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 66 حديث دون باب استقبال القبلة. يقول عن عبد الله بن عمر كذلك رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقبة في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوهها إلى الشام فاستدبروا للكعبة. سنو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما il cite qu'alors que les gens étaient dans le masjid de Quba en train de faire la salat du subh, lorsqu'une personne s'est rendue auprès d'eux en disant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation du Coran cette nuit, un verset lui a été révélé, il lui a été ordonné de faire face à la Kaaba vers Mecca. Donc à ce moment-là, ils ont changé de direction et sont tournés vers la Kaaba. Car auparavant, ils se tournaient vers le Shem, vers la Palestine, vers le Beit al-Maqdis. Et là, en pleine salat, ils ont changé de direction. Naam. Yaqulu fadilat al-Sheikh ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Arawi Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma sabaqa tarjamatuhu fi al-hadith 13. Le rapporteur c'est Abdullah ibn Omar et sa tarjama a été citée dans le 13e hadith. موضوع الحديث، السجية الحديث، بيان ماذا يعمل إذا تبينت له القبلة في أثناء الصلاة. السجية الحديث هي que doit faire celui à qui la qibla lui est apparue en pleine salat. Il fait la salat, il a une direction, et à ce moment-là, en pleine salat, il lui est apparu que la vraie direction est ailleurs. Comment doit-il agir؟ يقول في الشرح الإجمالي. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا فجعل يصلي لبيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا يجعل الله له ذلك. Lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم est arrivé à Medina en tant que muhajir, il faisait la salat en se dirigeant vers le Beit al-Maqdis, vers la Palestine. Et cela pendant 16 ou 17 mois. Allah lui a permis cela. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة ويطلع لذلك. Alors que le Nabi صلى الله عليه وسلم lui aimait, aurait aimé se tourner vers la Kaaba. لأن أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل. C'est la première maison qui était bâtie sur terre pour qu'Allah y soit adoré. ومحل تعبد بالتواف. C'est là qu'on fait le tawaf, c'est-à-dire les circuits rituels que l'on fait pendant le Hajj ou pendant la Umrah. وبه فأنزل الله تعالى عليه الأمر باستقبالها بعد صلاة الظهر. Donc de là, Allah Azza wa Jalla lui a révélé, après la salat du Dhuhr, qu'il se tourne vers la Kaaba. Wa intashara al-khabar fil Medina. Et que là, l'information s'est diffusée dans le Medina. Fa kharaja rajulun min bani Salima, fa ata al-Quba, wa hum fi yusallun al-subh fi masjidihim ila bayt al-Maqdis. Et de là, une fois que l'information s'est diffusée, un homme des bani Salima s'est rendu vers les gens de Quba, alors qu'il faisait la salat du Sobh, dans leur masjid, se dirigeant vers Beit al-Maqdis, vers la Palestine. فَأَبَرَهُمْ بِمَا نَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ سَلَمْ بِلْأَمْرِ بِتَوَجُّهِ لِلْكَعْبَةِ. Et de là, il leur informait que le Nabi صلى الله عليه وسلم lui était ordonné de se diriger désormais vers la Kaaba. فَاسْتَدْبَرُوا إِلَيْهَا وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَصَلَى الْإِمَامُ فِي مَكَانِ الْمَأْمُومِينَ وَبِالْعَكْسِ وَبَنُوا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِمْ. Et donc à ce moment-là, ils ont agi aussitôt, ils ont changé de direction. C'est-à-dire, ils ont fait l'inverse. En pleine salat, c'est-à-dire que l'imam s'est retrouvé derrière les gens qui le présidaient en salat. Il s'est retrouvé derrière. Et les gens qui étaient les présidés en salat se sont retrouvés devant l'imam. Et ils ont continué leur salat, sans recommencer depuis le début. Et à savoir que la formation leur est venue tardivement, car à l'époque, ce n'est pas comme maintenant. Ils n'avaient pas les moyens de communication qu'il y a maintenant avec les téléphones portables, ou les réseaux sociaux, ou autres téléphones même normaux. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. À l'époque, c'était par les coursiers, par des messagers. Quelqu'un avait une information, il devait se déplacer vers les gens pour leur faire part de cela. Que ce soit proche, que ce soit loin. Donc ça, ce n'était pas instantané. Voilà pourquoi les gens de Quba ont eu l'information tardivement par rapport aux autres. Yaqul fi fawaidil hadith. Les enseignements utiles du hadith. أن الله تعالى يغير من أحكام شريعته ما شاء لحكمة تقتضي ذلك. Que Allah change ce qu'il veut, comme règle de sa charia, lorsque sa sagesse implique cela. Ça amène justement au ce jument, cette règle, ce plutôt ce cette science qui est la science de du nansikh ou mansoukh, de l'abrogeant de l'abrogé. Que l'on peut avoir un jument et qui par la suite est abrogé par un autre jument. Et cela est connu dans l'islam. Donc là, le jugement de se tourner vers Bayt al-Maqdis a été abrogé par le fait de se tourner vers la Kaaba pour la salat. Thaniyan, wujub al-amal bi qabul al-wahid fil am fil umur al-diniyya idha kana thiqatan, qu'il est obligatoire justement d'accepter et d'agir selon l'information que ne serait-ce qu'une seule personne s'il est fiable en religion. Il ne faut pas dire, ouais, il n'y a que lui qui sait cela, on attend de le voir les autres. Si une personne fiable en religion connue donne une information, on le croit, on agit en conséquence. On n'attend pas qu'il y ait d'autres qui le confirment. Ça, c'est pour justement réfuter la règle que des gens de l'innovation ont essayé d'instaurer, qui est Khabar al-Ahad wa Mutawatir, qui est l'information d'une personne et l'information de multiples personnes. Ils ont rejeté plein de hadiths disant que c'est dans l'Aqidah, dans les Asma wa Sifat et autres, disant que cette information ne nous vient que d'un seul sahabi. Il se peut qu'il soit trompé, on n'est pas sûr, donc on ne comprend pas l'information. Par contre, lorsque l'information vient de plein de sahaba, plusieurs ahadiths, ils disent là on accepte. Donc ils ont fait cette règle pour rejeter plein de choses qui sont liées à l'aqidah, à la croyance, en disant ce hadith-là n'est venu que une ou deux personnes, comme une chose aussi importante n'est pas été connue par les autres dès le début. Donc ils rejettent cela. Et cela est une innovation. Tout comme la règle du wujub Kaboul, Khabar al-Siqa, qui est obligatoire d'accepter l'information d'une personne qui est fiable. On dit bien une personne qui est fiable. Cela n'empêche pas que tu peux aller vérifier si tu en as envie, pour qu'on se rassure. Comme Ibrahim l'a dit à son Seigneur, où est-ce qu'on est Ibrahim, Rabbi, alini kifatu hilmota. Quand il a walam tu'min, quand il a bala, walakin yatmanna kalbi. Ibrahim l'a dit à Allah, montre-moi comment tu redonnes la vie aux morts. Il a dit, ne crois-tu pas? Il dit, si, mais c'est pour que mon cœur se rassure. C'est-à-dire, cela lui donne la science de la certitude qu'il a vu la chose. Mais si ça n'avait pas été fait, il y croyait quand même. Donc, c'est demain une personne fiable. On parle vraiment de quelqu'un de fiable. Connu comme étant fiable. Apporte une information, on le croit. D'accord? On doit le croire. Si quelqu'un veut les vérifier, il a le droit. Mais on ne doit pas imposer aux gens de vérifier. Pour dire, as-tu vérifié avant d'accepter? Ça, ce n'est pas une chose qui est demandée. Si tu veux le faire, c'est de toi-même. Mais si quelqu'un accepte l'information de la personne-là, on ne peut pas le blâmer. On dit, un tel, il est fiable pour moi, j'ai pris son information. Donc on ne me blâme pas. Par contre, si après, il s'avère que ce fiable s'est trompé, il a mal compris, ça peut arriver, il n'est pas infaillible, là on corrige. Mais ce n'est pas pour autant qu'il devient plus fiable. Il n'y a aucune personne qui soit fiable, c'est quand, comme on dirait, sans qu'il ait eu des erreurs parfois. La personne devient plus fiable quand il est devenu habituel chez elle de se tromper à chaque fois, ou de mentir, ou de peindre de la droiture. Là, non. Mais quelqu'un qui se trompe une fois, ou rarement par rapport à ce qu'il a l'habitude de rapporter, il est considéré comme fiable. Donc son erreur ne nuit en rien à sa fiabilité. Car l'insan a été créé comme cela, en étant à même à se tromper. Donc ne pas dire de quelqu'un se trompe, il n'est pas fiable, lui, il s'est trompé la dernière fois. On dit, non, ça arrive. Il s'est trompé une fois, deux fois, trois fois, mais combien d'informations vraies a-t-il rapportées? C'est là-dessus qu'on se base. Que la base chez lui, c'est la fiabilité. Taïeb. Et ça, c'est des choses importantes à connaître plus tard quand les gens étudieront dans la source du hadith. Après, il dit Thalithan, أن من تبينت له القبلة في أثناء الصلاة استدبر إليها وبنى على ما مضى من صلاته. Celui qui se rend compte de la Qibla, la vraie Qibla en pleine salat, alors qu'il se tourne vers elle et qu'il continue sa salat. Il n'a pas recommencé. رابعا جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها فإن كانت لا تصح الصلاة بدونها فهي واجبة كالاستدبار استدارة عفوا كالاستدارة إلى القبلة وإن كانت من كمال الصلاة فهي مستحبة كالدنو لصد خلال الصف. Que justement le fait de bouger pendant la salat, lorsque cela apporte l'intérêt à la salat, cela est permis. Et que, quand bien même, si jamais ce mouvement que tu ferais amènerait justement à rendre ta salat authentique, valide, alors ce mouvement sera obligatoire. Comme par exemple, changer de direction. Hein, changer de direction pour celui qui ne serait pas dans la bonne direction. Lui, il est obligatoire de changer de direction à ce moment-là. Sans quoi sa salat serait fausse, invalide. À partir du moment où il a su que la salat était incorrecte, la direction était incorrecte, il doit la changer. Ou également, juste pour compléter la salat. Par exemple, tu as salat en jamaa, et devant toi, dans le rang, il y a un trou. Il y a de la place. Il faut combler cet espace-là. Donc toi, tu t'avances. Mais cette avancée-là, c'est un mouvement que tu fais en salat, c'est obligatoire pour toi de le faire. D'accord? C'est obligatoire pour toi pour le faire pour que la salat soit complète. Qu'il n'y ait pas le trou dans les rangs. فهذا الذي أخذنا اليوم من الحديث والحمد لله رب العالمين